Si ce mois de janvier aura été marqué par l'actualité, ce sera surtout en raison des polémiques qu'on ne compte plus dans les médias. Une d'entre elles a fait du bruit dès le début du mois, celle d'un drapeau que nous voyons pourtant partout, le drapeau européen. La rédaction a donc décidé de se pencher un peu plus en profondeur sur ce sujet. C'est l'heure d'Europe & Roll, bienvenue. Actu, débat, culture, idées, musique. Vous êtes sur Fadjet, à l'écoute d'Europe & Roll. Bonjour et bienvenue sur Fadjet, vous êtes bien installé pour comprendre et décrypter l'actualité européenne en une demi-heure, puisque vous êtes à l'écoute d'Europe & Roll qui est de retour après de longues vacances. Début janvier, l'installation du drapeau européen sous l'Arc de Triomphe a fait du bruit, alors même que commençait la présidence française du Conseil de l'Union Européenne. Mais à quoi sert cette présidence? Est-ce que l'on peut parler d'une présidence de l'Europe, comme le prétendent certains? Mais au fait, qui dirige l'Union Européenne? La rédaction s'est penchée sur la question pour vous éclairer sur le sujet. Au programme donc de cette émission, vous l'aurez compris, une analyse des présidences des trois institutions de l'Union Européenne, le Parlement Européen, le Conseil de l'Union Européenne et la Commission Européenne. Alors avant de retrouver votre rendez-vous hebdomadaire habituel, le journal européen, on commence cette émission comme on a commencé l'année, avec une petite polémique qui a marqué le début de cette présidence française du Conseil de l'Union Européenne. Une petite polémique qui a fait pas mal de bruit, n'est-ce pas Juliette? Et oui mon cher Lucas. À droite, à gauche un peu, mais surtout à l'extrême droite, une installation n'a pas cessé de faire jaser et râler, et je te parle bien sûr, tu en as parlé, du drapeau de l'Union Européenne qui a été déployé sous l'Arc de Triomphe. Le 1er janvier, la France a en effet pris la présidence tournante de l'Union Européenne. Hyper ambitieuse, super motivée pour un trimestre sous le signe d'une Europe puissante et souveraine. Et pour fêter le coup, la Tour Eiffel, le Palais de l'Élysée et encore d'autres bâtiments se sont fait illuminer, au même moment, d'un bleu couleur Europe. Mais, problème, l'Arc de Triomphe. Ah, donc la Tour Eiffel ça va si je comprends bien, mais l'Arc de Triomphe, c'est de trop. Bah exact. Un drapeau européen a remplacé le drapeau français pour quelques jours. Et ça, ça n'a peu plus du tout. Mais pas du tout du tout. Marine Le Pen a déclaré être outrée avant d'ajouter qu'elle attaquait cette décision du gouvernement devant le Conseil d'État. Pour Éric Zemmour, c'est un outrage. Et puis d'autres s'y sont mis. Valérie Pécresse déclare que ce drapeau efface l'identité nationale. Jean-Luc Mélenchon s'agace, lui aussi, expliquant que le soldat inconnu n'est pas mort pour Bruxelles et que le drapeau européen ne devrait pas flotter au-dessus de sa tombe. Pourtant, au fond, quoi de mieux que le symbole d'une union assurant la paix du continent au-dessus d'un vestige de la guerre? Ouais, mais quelle a été la conclusion de cette énième polémique? Alors en fait, le drapeau de la discorde a finalement été retiré le 2 janvier. Hein, selon le timing prévu d'après le gouvernement, l'extrême droite crie néanmoins victoire, hein, et Marine Le Pen comme Éric Zemmour se sont vantés de cette disparition. Du reste, il faut souhaiter que ce départ en catastrophe vers cette nouvelle présidence ne la ternisse pas tout entière. Et on le souhaite très très fort, merci beaucoup Juliette. Allez, on reprend le cours normal de notre émission, on va faire un petit tour d'horizon de l'actualité de ces derniers jours. On va passer au journal. Et l'année 2022 commence malheureusement avec une tragique nouvelle. En effet, Monsieur David Sassoli, président du Parlement européen depuis juillet 2019, est décédé ce 11 janvier 2022. Cet ancien député italien du groupe politique SED a pour successeur la Maltese Roberta Metsola. Elle a reçu 458 votes sur 616 exprimés, nouvelle présidente du Parlement européen âgée de 43 ans et affiliée au Parti populaire européen. Elle reste connue toutefois pour son opposition à l'interruption volontaire de grossesse. Cette position reste un symbole fort pour toutes les femmes qui combattent encore aujourd'hui pour le contrôle sur leur corps. Son élection est d'autant plus symbolique du fait que Simone Veil ait été la première présidente du Parlement européen en 1979. Il reste à présent que toutes les institutions européennes sont à coloration conservatrice. Un autre changement, toujours au sein des institutions européennes, au sein du Conseil de l'Union européenne, la France en prend la présidence. La France prenant place à la tête du Conseil de l'Union européenne, Emmanuel Macron a tenu un discours devant le Parlement européen, censé détailler les grandes lignes de la présidence française du Conseil de l'Union européenne. Cependant, pour ce dernier, cela a permis de lancer sa campagne présidentielle en mettant l'Europe à l'honneur. En effet, il n'a pas été beaucoup question d'Europe dans son discours. Le Figaro souligne le fait qu'il y en avait pour son électorat, pour chacun, ou presque, de ses futurs concurrents du mois d'avril. Le pari d'Emmanuel Macron repose, lui, sur le très opportuniste en même temps. Et on part au Portugal maintenant. Des élections législatives anticipées ont lieu le 30 janvier et les perspectives sont, il faut le dire, assez peu encourageantes. D'après les sondages, le parti populiste d'extrême droite Chega pourrait devenir la troisième force du pays. Jusque-là, Ventura, fondateur du parti, était l'unique représentant de Chega élu au Parlement. Le programme de ce dernier est décrit par la presse comme insipide et sans intérêt. Ventura continue de défendre une baisse d'impôts radicale. Il refuse d'expliquer comment il entend la financer. La destruction de l'État social est aussi en même temps, avant tout, tout comme les idées populistes qui sont, dans plusieurs journaux, continuent de tromper les gens. Et en Italie maintenant, les élections semblent assez mises à mal également. En effet, aucun candidat n'a obtenu la majorité nécessaire des deux tiers lundi lors du premier tour de la présidentielle italienne. Les principaux partis avaient appelé leurs grands électeurs à s'abstenir faute d'un consensus sur un candidat. Mario Draghi est donné favori. Le problème, c'est que si Draghi est élu président, il faudra aussitôt former un nouveau gouvernement. Cependant, les médias italiens restent lucides sur l'urgence de la situation, qu'elle soit d'ordre d'urgence sanitaire et d'un contexte international tendu avec le conflit ukrainien. D'affronter la crise avec une solution en poche et en évitant un vide que le pays ne peut se permettre. Et justement, à propos de l'Est, on sent de nombreuses tensions à l'Est de notre continent et même hors des frontières de l'Union européenne. En effet, les négociations sur le conflit ukrainien se poursuivent. Cependant, l'officieux prend le pas sur l'officiel dans la mesure où il n'existe guère encore de résultats depuis la rencontre vendredi entre la Russie et les États-Unis. La politique de sécurité et défense de l'Union européenne s'intensifie dans cette zone avec l'envoi de militaires à l'Est, renforçant de facto les 8500 soldats envoyés en état d'alerte par les États-Unis. La Russie, quant à elle, a vivement critiqué ce qu'elle juge être une surenchère. Un apaisement des tensions est envisagé, néanmoins la crainte d'une guerre n'est pas exclue. Merci beaucoup Elias. Tu parlais tout à l'heure de la présidence française du Conseil de l'Union Européenne, Elias. On va en reparler dans un instant. Mais c'est d'abord l'heure de souffler un petit peu. Nicole, je te laisse nous donner ton choix musical pour s'évader brièvement. Et oui, la France, l'Union Européenne est à l'honneur aujourd'hui. Ainsi, j'aimerais ouvrir avec notre hymne européen. Connaissiez-vous son existence ? Il est souvent joué lors de grands jours spéciaux, un peu comme aujourd'hui finalement. Et voici, sans plus tarder, l'ode à la joie. Oh, C'était l'ode à la joie sur Europe N'Roll, de retour sur Fadjet pour notre émission consacrée aux présidences des institutions de l'Union Européenne. Qui gouverne l'Union Européenne? C'est la question qu'on se pose aujourd'hui. On va d'abord se pencher sur la présidence d'une des institutions les plus importantes, la seule institution qui est directement élue par les citoyens, je parle bien sûr du Parlement Européen. Et en fait, les manières de présider le Parlement Européen ont pas mal changé au fil du temps, n'est-ce pas Léandra? Oui, d'ailleurs pour commencer et tester vos connaissances, je vous propose un petit quiz. À vous nos chers auditeurs, mais aussi à toi Lucas. Combien y a-t-il eu de présidents du Parlement Européen? Alors là je dirais, comme ça au pif, je dirais 25? Alors la bonne réponse est qu'il y en a eu 32. Enfin, c'est un peu plus compliqué que ça dans les fonds, car on dénombre 4 majeures étapes de l'histoire dans la mise en place d'une Assemblée législative européenne et également du changement de président de cette dernière. La première étape, allant de 1952 à 1957, sous la CECA, est celle de la si nommée Assemblée commune européenne, qui rassemblait 78 membres désignés par les parlements nationaux. Le premier titulaire de la fonction de président de cette Assemblée commune a été l'ancien premier ministre socialiste belge et perçu comme l'un des pères de l'Europe, Paul-Henri Spaak. 3 autres présidents de l'Assemblée lui ont succédé, avec entre autres Alcide de Gasperi, qui est décédé en fonction. Par la suite, une rupture politique a eu lieu avec le traité de Rome, signé en 1957, et qui crée l'Assemblée parlementaire européenne, siégeant désormais à Strasbourg. Elle est composée de 142 députés nationaux, délégués par leur parlement. Elle est présidée par le français et encore une fois père de l'Europe Robert Schuman, puis par Hans Faula. Tout comme l'Assemblée commune, l'Assemblée parlementaire n'a qu'un rôle consultatif. Ce n'est qu'avec le traité d'Amsterdam, signé seulement en 1997, que le Parlement européen obtient un faible pouvoir législatif qui lui permet de demander un projet de loi à la Commission européenne et d'exercer un contrôle sur la Commission. Pourtant, le 30 mars 1962, l'Assemblée parlementaire devient en fait un Parlement européen, si je ne me trompe pas. Oui, c'est correct. Mais les députés et présidents restent désignés par les parlements nationaux et ont une sorte de double mandat. Un au Parlement européen et en plus du mandat dans leurs parlements nationaux. Il y a alors 9 présidents de parlements européens dans cette phase de la construction d'une assemblée législative. Ce sont d'anciens députés ou sénateurs belges, des Pays-Bas, de France, d'Allemagne, de l'Ouest et d'Italie, comme le dernier président du Parlement européen désigné, Emilio Colombo. C'est l'article 138.2 du traité de Rome qui dispose que l'Assemblée élaborera des projets en vue de permettre l'élection au suffrage universel direct. En juin 1979, ont donc lieu les premières élections au suffrage universel direct qui permettent d'élire les députés du Parlement européen qui ensuite présentent en tant que groupe politique un candidat à la présidence et nommé président pour une durée de mandat de 5 ans, celui ou celle qui obtient la majorité des suffrages des députés. Je ne vais pas vous énumérer chacun des présidents du Parlement européen depuis 1979 car ils sont nombreux. Par contre, ce qui est remarquable, c'est que la première personne à être directement élue présidente du Parlement européen est la Française Simone Veil en 1979. Un autre président du Parlement duquel il faut se souvenir est Pierre Pflimlin de 1984 à 1987 et qui auparavant avait entre autres la fonction de maire de Strasbourg. Dans la 5e législature des présidents du Parlement européen, on retrouve aussi la deuxième femme présidente, Nicole Fontaine, qui a été élue en 1999. En 2004 est ensuite élu l'Espagnol Josep Borrell, qui est actuellement chef de la diplomatie européenne. Et pour finir ma liste, les 3 derniers présidents de Parlement sortants sont l'Allemand du Parti Socialiste Martin Schulz, l'Italien Antonio Tajani et évidemment l'Italien David Sassoli, duquel Angelina ne parlera plus tard. Ce qui me semble intéressant à retenir est que les présidents sont aux grosses majorités des Allemands, des Espagnols, des Italiens et des Français, mais que des députés de d'autres nationalités, tels que l'Irlande, les Pays-Bas, Royaume-Uni, Pologne, ont également pu présider cette assemblée. Merci. Désormais, nous avons une Maltaise qui préside le Parlement européen, et je laisse Angelina vous en dire plus. Merci beaucoup, Léandra. Et justement, on reste dans la thématique des présidences du Parlement européen. Angelina, le mois de janvier n'a pas seulement marqué la présidence du Conseil de l'UE par la France, mais en fait, elle a aussi marqué le changement de présidence du Parlement européen. Eh oui, Léandra a bien fait de nous rappeler comment le président ou la présidente du Parlement européen était nommé, parce que maintenant, nous allons justement parler des 2 présidents les plus récents. D'une part, David Sassoli, décédé le 11 janvier 2022, et Roberta Metsola, la nouvelle présidente qui l'a remplacée, nommée le 17 janvier dernier. Commençons par David Sassoli, qui nous a quittés à l'âge de 65 ans. En poste en tant que président du Parlement depuis 2019, ce journaliste et politicien italien avait débuté sa carrière européenne en 2009 au sein même du Parlement. De tendance socialiste, il avait notamment apporté un vent de renouveau à un Parlement européen et par extension à une Union européenne qui, comme il le déclarait en décembre 2021, avait besoin d'un nouvel espoir pour avancer. L'une des figures politiques les plus influentes de la scène politique socialiste en Italie dans le parti de centre-gauche italien, il était membre du groupe Partisan parlementaire européen socialiste et démocrate depuis 2009. Durant la crise Covid, David Sassoli, en tant que président du Parlement européen, avait insisté pour garder le Parlement en activité et à ce titre avait innové en autorisant les votes par Internet. Oui, et justement, son attachement à une Union européenne unie et apaisée était en fait connu de tous. Oui, comme l'exprimait Ursula von der Leyen dans son éloge funèbre, David Sassoli était mené par sa passion la plus résolue pour l'Europe et la démocratie. Les réactions des différentes personnalités de l'Union européenne ont souligné la popularité d'un homme qui était entré dans la politique par passion et non pour le pouvoir, selon Ursula von der Leyen. Je terminerai ces quelques mots sur David Sassoli avec une de ses déclarations qui, à titre personnel, me plaît beaucoup. Dans un de ses discours les plus récents sur le nationalisme dans l'Union européenne, David Sassoli déclarait « Et qu'il y aura-t-il à la fin du chemin, l'Union européenne ?» Et pour le Parlement européen, le décès de David Sassoli est synonyme d'un nouveau chemin, avec à son devant la nouvelle présidente du Parlement européen, Roberta Metsola. Commençons avant tout par une petite biographie de cette politique maltaise. Roberta Metsola naît en 1979 sur l'île de Malte, qui n'était pas encore membre de l'Union européenne. Oui, pardon. Roberta est née en 1979 sur l'île de Malte, qui n'était pas encore membre de l'Union européenne. Pourtant, c'est à l'Union européenne qu'elle dédie son engagement d'étudiante en droit en étant la secrétaire générale des étudiants démocrates européens. De fait, ce lien avec l'Union européenne est le dénominateur commun de l'ensemble des fonctions qu'elle exerce par la suite. Elle participe en particulier aux négociations d'intégration de Malte dans l'Union européenne en 2004 en tant que membre de la représentation permanente de Malte à Bruxelles. Elle fut également pendant quelques années conseillère juridique de l'action extérieure de l'Union européenne, mais la vraie passion de Roberta Metsola, c'est le Parlement européen. De fait, en tant que membre du parti nationaliste maltais, elle rejoint les rangs du groupe du Parti populaire européen en 2013. Paradoxal, je sais. Ce groupe politique européen est la force politique la plus puissante aujourd'hui du Parlement avec une orientation conservatrice. Pour vous donner une idée, les Républicains sont membres de ce groupe. Elle fut d'ailleurs nommée vice-présidente du Parlement en 2021. Au vu de cette expérience européenne, la nomination de Roberta Metsola au poste de présidente de l'Union européenne devrait faire consensus. Et pourtant, on sait bien qu'elle est loin de faire consensus. En fait, pour être honnête, elle pose un petit peu problème. Tu as raison. De fait, Roberta Metsola a par le passé souligné de nombreux choix de ses positions conservatrices. Sa position anti-IVG, semblable à celle de son pays de naissance Malte, où l'IVG est toujours interdit, contraste avec celle des dernières présidentes et présidentes. Rappelons par exemple Simone Veil. Elle est également critiquée pour un geste au Parlement, lorsqu'un vote pour une loi contre les violences conjugales se soldera de son côté par l'abstention. Elle reste cependant, et quelque peu paradoxalement, que de paradoxe, un des piliers progressistes de son groupe parlementaire, en ayant à de nombreuses reprises défendu les droits de la communauté LGBTQ+. Malgré ses critiques, elle récolte 458 voix, dont certaines du groupe Renew, dont La République En Marche est membre, et du groupe social-démocrate au nom de l'alternance politique. Et voilà comment le Parlement européen, en moins d'un mois, a dit au revoir à un président et bonjour à une nouvelle présidente. Merci beaucoup Angelina pour cette histoire. On a donc bien compris comment est présidé le Parlement et l'utilité de cette présidence, mais il nous manque encore deux institutions, le Conseil et la Commission. On en parle juste après une deuxième petite pause musicale. Nicole, je te laisse endosser ta casquette de DJ. Et oui, je souhaiterais vous faire écouter We Are The People de Martin Garrix et Bono and the Hedge. Alors oui, ce n'est pas une musique 100% française, mais la PFUE ne concerne pas que la France. De plus, c'est une musique de l'Euro 2020, l'année du bouleversement, de la crise sanitaire. Ouh, non loin de l'idée d'instaurer une mauvaise ambiance en mentionnant les sujets qui fâchent, c'est simplement une musique joviale et fédératrice. Bref, ce dont nous avons besoin, quoi. Hardly know you, can I confess? I feel your heart beating in my chest. If you come with me, tonight is gonna be the one. 'Cause you faith and no fear for the fight. You pull hope from defeat in the night. There's an image of you in my mind. Could be mad, but you might just be right. Victory's won. 'Cause you faith and no fear for the fight. You pull hope from defeat in the night. There's an image of you in my mind. Could be mad, but you might just be right. On écoute Martin Garrix sur Europe N Roll, We Are The People, Nous Sommes Le Peuple. Un titre qui évoque d'ailleurs une certaine unité, tel un véritable pays, et qui dit pays à part entière, dit d'ailleurs aussi son propre gouvernement. Sauf que dans lui, en fait, ce gouvernement, eh bien ça s'appelle la Commission Européenne. Salut Cécile. Bonjour Lucas, bonjour à tous et à toutes. Alors oui, puisqu'aujourd'hui les présidences de l'Union Européenne sont au centre de l'attention, je voudrais apporter ma pierre à l'édifice. Je ne reviendrai pas, bien sûr, sur la présidence du Parlement européen, mais je vous propose plutôt de nous tourner vers celle d'une autre institution de l'Union européenne, la Commission européenne. Alors commençons, si cela vous va, par un petit rappel du rôle de la Commission. La Commission, c'est un organe exécutif de l'Union. Cela veut dire qu'elle fait exécuter les actes et politiques votés par le Parlement et le Conseil. C'est aussi la gardienne des traités et du droit européen dont elle assure l'application, en saisissant si nécessaire la Cour de justice de l'Union européenne à l'encontre d'États membres récalcitrants. Et finalement, elle dispose aussi de l'initiative législative. Elle est en effet à l'origine d'un bon nombre de politiques et actes européens à travers des propositions qu'elle transmet au Parlement européen et au Conseil, où celles-ci seront soumises au vote pour adoption. Bon, merci pour ce court résumé qui nous montre d'ailleurs bien à quel point cet organe est important pour le fonctionnement de l'Union et la direction, on va dire, prise par la politique européenne. Mais maintenant qu'on sait ça, on comprend mieux quels enjeux sa présidence soulève pour les années qui suivent. Alors en fait, qui est exactement le ou la présidente de la Commission européenne ? Alors actuellement, c'est Ursula von der Leyen qui est la présidente de la Commission européenne. Elle est née en 1958, elle est allemande et elle occupe ce poste depuis le 1er décembre 2019, soit un peu plus de deux ans. Élue pour 5 ans, soit jusqu'en 2024, elle arrive bientôt à la moitié de la durée de son mandat, majoritairement placée sous le signe de la pandémie. Ce sont les États membres de l'Union qui, au sein du Conseil européen, ont proposé son nom au Parlement européen. Cette proposition, elle tient compte des résultats des élections parlementaires, c'est une obligation, et puis elle est soumise au Parlement, qui élit ou non le candidat proposé. Si le ou la candidate n'obtient pas la majorité absolue, alors le processus recommence. Le Parlement a donc un véritable rôle à jouer dans cette élection, ce qui historiquement n'est devenu une réalité qu'en 2014, où les eurodéputés ont élu Jean-Claude Juncker, alors grand gagnant des élections parlementaires européennes. Très bien, mais en fait, que fait exactement, maintenant qu'on a compris comment elle est élue, que fait exactement le ou la présidente de la Commission européenne ? Beaucoup de choses, tu t'en doutes. En fait, c'est un des postes les plus importants au sein de l'Union européenne, si ce n'est le plus important, car le ou la présidente de la Commission est chargée de fixer l'agenda politique de la Commission. Et aucune politique n'est en réalité proposée sans son accord. C'est la personne qui donne véritablement la direction de la politique européenne. De plus, tout comme le président du Conseil européen et le haut représentant, il représente l'Union européenne à l'étranger. Le ou la présidente de la Commission est aussi membre du Conseil européen, elle prend part aux débats du Conseil des ministres et du Parlement, bref, elle est partout, et sa vision pour l'Union européenne transpire dans le travail de tous les organes constitutifs de l'Union. Merci beaucoup Cécile, c'est un processus en évolution donc pour l'une des plus hautes fonctions de l'Union européenne. On en a compris les enjeux, du coup on se donne rendez-vous finalement en 2024 pour les prochaines élections à la présidence de la Commission. Mais en attendant, on va parler aussi de la dernière institution dont tu as vite fait aborder le nom, le Conseil de l'Union européenne. Et on finit cette émission en bouclant la boucle, on va parler de la dernière institution de l'Union européenne, le Conseil de l'Union européenne, dont la France a pris la présidence en ce 1er janvier 2022. Mathilde, tu souhaites nous en parler un petit peu plus sur son histoire et ses objectifs. Exactement Lucas, comme tu l'as très bien dit, depuis le 1er janvier dernier, la France préside le Conseil de l'Union européenne, fonction qu'elle exercera pendant 6 mois, donc jusqu'au 30 juin 2022. Alors après avoir évoqué avec mes collègues les rôles des différentes institutions de l'UE, on va revenir sur l'histoire des présidences françaises du Conseil de l'Union européenne ainsi que sur les objectifs de l'actuelle PFUE ou présidence française du Conseil de l'Union européenne. Alors qu'est-ce que tu entends par l'histoire de la PFUE Mathilde ? Eh bien je veux dire par là qu'on se focalise beaucoup sur la PFUE de cette année sans vraiment se demander si la France a déjà exercé cette fonction auparavant. Et est-ce que tu savais par exemple Lucas que c'est la 13e fois qu'un président français va prendre la tête du Conseil de l'Union européenne ? Déjà la 13e fois, faut pas être superstitieux. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur les anciennes PFUE alors ? Et oui, déjà 13 fois car la France exerçait cette fonction pour la première fois en 1959 sous la présidence de Charles de Gaulle. Mais vous vous en doutez, cette fonction a beaucoup évolué avec les profonds changements de l'UE au cours des dernières années. Et donc en 1959, l'UE, qui n'était pas encore l'UE mais la Communauté économique européenne, ne comptait que 6 membres. Donc la France ne devait attendre que 3 ans pour présider cette institution, alors qu'aujourd'hui c'est 13 ans qui doivent s'écouler avant qu'elle puisse à nouveau occuper ce poste. Alors, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur les points les plus marquants de ces dernières PFUE ? C'est dans un article publié le 1er janvier dernier que le site d'actualité européenne Toute l'Europe propose un éclairage des 3 dernières PFUE. Et il montre en fait que la France a été confrontée à de nombreux bouleversements institutionnels européens alors même qu'elle présidait le Conseil de l'UE. En 1995, par exemple, les élections présidentielles françaises avaient lieu comme cette année en pleine PFUE et c'est ainsi qu'en mai 1995, Jacques Chirac remplaçait François Mitterrand à la tête de l'État français. Intéressante similitude avec la situation actuelle. De nombreuses tensions avaient marqué la PFUE de l'année 2000. Alors d'abord au sein des institutions françaises, puisque c'était l'année de la troisième cohabitation, et puis les relations franco-allemandes n'étaient pas non plus au beau fixe, notamment au sujet de l'intégration de nouveaux États dans l'UE. Mais c'est surtout en 2008 que le président français Nicolas Sarkozy fut confronté à d'importantes crises au niveau européen, avec notamment le refus de ratification du traité de Lisbonne par les Irlandais, le conflit en Ossétie du Sud ou encore le début de la crise financière. Bon, ça c'est très bien pour l'histoire, et maintenant qu'est-ce qui attend le président français Emmanuel Macron dans le cadre de la PFUE actuelle ? Alors d'abord, beaucoup de choses ont changé au niveau institutionnel européen. Le traité de Lisbonne, entré en vigueur en 2009, a modifié la présidence du Conseil de l'UE. Par exemple, avant le traité, le pays qui occupait ce poste était également président du Conseil européen, et aujourd'hui c'est une fonction à part entière. Et puis surtout, il ne faut pas oublier que la présidence du Conseil de l'UE s'effectue en trio, alors... Si on entend beaucoup parler de la France, c'est en fait 3 pays qui sont désignés pour 1 an et demi et qui président le Conseil à tour de rôle pour une durée de 6 mois. Et ils sont en fait chargés d'élaborer des objectifs communs que chacun affine au fur et à mesure pendant sa présidence. Et justement, en ce qui concerne les objectifs de la France pour cette PFUE, quels sont-ils ? Le président français Emmanuel Macron s'était déjà exprimé le 9 décembre lors d'une conférence de presse pour préciser ses priorités concernant la PFUE. Et il en a également été question pendant son discours du mercredi 19 janvier devant les eurodéputés. Et donc Emmanuel Macron décline son programme en trois points. D'abord, il veut œuvrer à la construction d'une Europe souveraine. Ensuite, il a pour ambition de proposer un nouveau modèle européen de croissance. Et enfin, il veut faire de l'Europe un continent à taille humaine. Et il a insisté sur l'humanisme dont devait être empreint cette PFUE. Finalement, lors des débats au sein de l'hémicycle européen, on a vu peu de sujets de convergence entre le président français et les eurodéputés, comme le note le journal Le Torillon. Le Parlement, c'est un organe qui est essentiel au sein de l'UE puisqu'il détient une partie du pouvoir législatif, et sans entente avec les députés, il sera difficile pour la France d'atteindre ses objectifs. Enfin, il ne faut surtout pas oublier que les élections présidentielles auront lieu en pleine PFUE, ce qui pourrait rebattre les cartes. Et oui, effectivement, ça pourrait bien changer la donne. Merci beaucoup Mathilde. Cette émission d'Europe & Rose sur les présidences françaises, sur les présidences des institutions européennes touche déjà à sa fin. Nicole, je reviens vers toi pour une dernière suggestion musicale pour terminer cette émission en beauté. Et oui, pour finir, la chanson de l'Europe de Jean JP. Cette douce mélodie saura vous porter de la France à la Bulgarie, en passant par l'Italie, sans oublier l'Estonie, et cela sans frontières. C'est fou, n'est-ce pas ? Et oui, c'est fou. Merci beaucoup, Nicole. Merci surtout à toute l'équipe de rédaction pour cette émission sur les présidences des institutions européennes. Un sujet technique, il faut l'avouer, mais un sujet d'autant plus important pour comprendre comment fonctionne l'UE. Nous, on va attendre la semaine prochaine pour vous reparler de l'actualité européenne et plus spécialement de jeunesse, on vous en dit pas plus. Merci pour votre écoute d'Europe & Roll. Vous pouvez nous retrouver en replay sur encore.fm, sur Spotify ou encore Google Podcast. Et sinon, à dimanche prochain, 13h, sur Radio Fadjet. Mon ami de Berlin a beaucoup de problèmes. Il me faut oublier pour lui tendre la main. Et pourtant, le ciel de nos villages a les mêmes chagrins et les mêmes couleurs. Et pourtant, la mer sur nos rivages a les mêmes caresses et les mêmes fureurs. Avec un peu de brume venue de l'Angleterre, avec un peu de blé du pays du soleil, avec un peu de sang de l'Espagne en colère, on pourrait faire un arbre qui monterait au ciel. J'ajouterais peut-être une chanson de France que Paris donnerait en cadeau de Noël. Et nous danserions tous la nouvelle cadence d'un pays merveilleux au passé éternel. Et pourtant, du fond de nos villages, dans 100 ans un vieillard aux enfants comptera ma chanson sur un livre d'images où nous serons chantés en couleur de soldats. Nous serons chantés en couleur de soldats, où nous serons chantés.